will say the only words I know that you'll understand my mission. L'excellente pièce Michelle, j'allais dire Michelle Obama. Pièce Michelle tirée de Rubber Soul, mais qui a été chantée pour Michelle Obama lorsque fin, Paul McCartney a reçu le prix Gershwin à la Maison Blanche cet été. C'est très, très gentil de la part de Paul McCartney. Mm-hmm. Cute, donc, même. Oui, très cute. Donc, c'était la grande partie de la Beatlemania présentée ce matin. Il va rester une petite partie de rien à présenter la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, on va parler de Plus grand que Jésus, Revolver, la fin de la tournée, Sgt. Pepper et Yoko. Yoko. Yoko. Donc, en gros, ça va être le programme de la semaine prochaine. Et ça va être intéressant par le fait même. On espère. Comme toujours, comme toutes tes chroniques phénomènes. Donc, merci beaucoup, Simon Fitzbé. Ouais, merci à merci, vous. Simon. Bye. Dans la deuxième heure de notre émission spéciale Phénomène Beatles, Simon Fitzbé survolera l'époque Sgt. Pepper des Beatles. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'assemblage requis. Retour à ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis, Phénomène Beatles. Dans cette émission, Simon Fitzbé nous raconte l'histoire des Beatles en quatre parties. Nous sommes rendus à la troisième partie de cette épopée. Voici The Peppery Beatles. Simon. Bon matin, messieurs. Bonjour, bonjour, monsieur Fitzbé. Ça va bien? Très bien, ça vous? Va, toi, ouais. Oui. Ouais. Oui, ça va. Les technologies vont bien, les ordinateurs roulent à merveille. Oui. D'accord. Ça, jusqu'à maintenant, ça va bien. T'es un chanceux. Oui. Donc, Phénomène qui est ta chronique sur l'histoire du rock en général. Effectivement. Les gens qui ont bâti le rock. Mm-hmm. Et puis là, tu parles des Beatles pendant tout le mois de novembre. C'est la troisième partie cette semaine. Oui, troisième partie de cette histoire des bidules, si on veut. Oh, hein? Bidules. Avec Jean Lenon, Paul Mercantil, Georges Hérisson et Ringo l'Étoile. J'aime ça. Ah, c'est quand même bien. Ouais. Oui, on est rendu à la troisième partie de cette série de quatre. La semaine dernière, ce sera la semaine prochaine plutôt. Ce sera bien sûr la dernière. Et la semaine dernière, on s'était avec le lancement de Rubber Soul, un album qui allait non seulement changer l'orientation musicale des Beatles, mais également celle de l'industrie de la musique avec un bon mélange de folk rock qui ont tous été écrits, en fait, pas nécessairement pour devenir des hits, mais pour se retrouver sur un album bien précis qui avait un thème en particulier. Cet album-là va profondément influencer Brian Wilson, le génie derrière les Beach Boys, qui fait paraître Pet Sounds au début de l'année 1966. Brian Johnston, membre des Beach Boys, se rend en Angleterre avec une copie de Pet Sounds pour le faire entendre ce chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Oui, ce chef-d'œuvre. Donc, c'est comme le chef-d'œuvre chez AW, c'est bon ça. Ah, fait de la plug. Donc, ce chef-d'œuvre a une petite clique de musiciens, dont Mick Jagger, Keith Richards, mais surtout Paul McCartney et John Lennon, qui travaillaient sur un nouvel album déjà des Beatles. On ne s'arrêtait pas dans ce temps-là. En entendant la pièce God Only Knows, qui se retrouve sur l'album Pet Sounds, Paul McCartney déclare que c'est la plus belle pièce pop qu'il ait entendue. Il entre en studio quelques heures plus tard pour commencer à composer la pièce Here, There and Everywhere, pour répondre à Brian Wilson, en quelque sorte. Et c'est le 5 août 1966 que paraît Revolver, fort d'une saine compétition interne. Cet album comporte certaines des meilleures pièces inspirées par Lennon et McCartney. On retrouve entre autres les pièces I'm Only Sleeping, Eleanor Rigby, She Said For No One, l'excellent Yellow Submarine chanté par Ringo et la pièce innovatrice Tomorrow Never Know. L'album trouve également, on trouve également en fait sur cet album-là une des pièces les plus brillantes de George Harrison pour l'époque, Taxman, qui ouvre l'album. Et cet album, Revolver, est perçu comme un des plus grands albums du groupe encore à ce jour. Voilà. C'est à peu près comme ça. Oui. La pièce « Here, There and Everywhere » qu'on retrouve sur l'excellent album « Revolver » qui d'ailleurs, si on veut une bonne référence en fait de cet album-là, ben c'est ce cher... J'ai rien mimé. Oui, exactement. Ce cher Claude Rajot, en fait, qui a nommé cet album « Revolver » les Beatles comme étant son meilleur album de tous les temps. Dans plusieurs listes qu'il a fait, en fait, de ses meilleurs albums de tous les temps. Et donc, les Beatles étaient toujours très sollicités par les journalistes pour réaliser des interviews à John Lennon, qui était interviewé par Maureen Cleave le 4 mars 1966, déclare « Le christianisme disparaît, il s'évaporera, décroîtra. Je n'ai pas à discuter là-dessus, j'ai raison, ça sera prouvé que j'ai raison. Nous sommes plus populaires que Jésus désormais, en parlant des Beatles, bien sûr. » Et oui. Tolé. Et je ne sais pas ce qui disparaîtra en premier, le rock and roll ou le christianisme. Donc, c'était une entrevue faite pour un journal de Londres. Je vois rien de fiscal là-dedans, moi, personnellement. C'est ce que les Anglais aussi ont trouvé. Ça n'a pas été très, très provocateur en Angleterre. Faut dire que la plupart des Anglais sont de profession anglicane, de profession protestante, et sont moins catholiques que le pape, si on veut. Là. Ils sont pas vraiment aussi intégrés dans la religion qu'ailleurs, dont les États-Unis, entre autres. Est-ce qu'on doit les mentionner? Oui. Ceux-là. Et c'est là que les propos de Lennon, en fait, ont été repris par les médias du sud des États-Unis, entre autres en Alabama, et qui vont s'amplifier et être déformés également. En Alabama, entre autres, on brûle les albums des Beatles. Le Ku Klux Klan commence à se présenter au spectacle en tentant d'intimider les Beatles. Et c'était assez grave. D'ailleurs, dans l'anthologie DVD des Beatles, on peut voir une entrevue avec un membre du Ku Klux Klan qui dit bon, on a peut-être des différences avec la majorité des catholiques, mais au moins on peut-être. Est catholique, fait qu'on va aller protester devant pendant les concerts des Beatles. Des bons petits catholiques. Oui. Hein? Et pour des bons petits gars. Des bons petits gars, oui. Ils sont tous bien en blanc. C'est pur, ça, c'est la couleur de la pureté. Ben oui. Ça continue à s'amplifier et il y a d'autres facteurs également qui commencent à énerver les Beatles. Entre autres, lorsqu'ils sont au Japon, des foules immenses les empêchent d'entendre leur propre voix sur scène parce que ça criait trop fort et on n'utilisait pas de moniteur à l'époque. Un moniteur, c'est ce qu'on met devant soi lorsqu'on est sur scène pour pouvoir s'entendre chanter et s'entendre jouer de la guitare. Et lorsqu'on n'en a pas, c'est vraiment pas trippant. Pas pratique. pas pratique du tout. Et donc, les foules créent à tue-tête tout au long de la Beatlemania. C'est pas la première fois. Ça faisait au moins 4 années de tournée non-stop que les Beatles faisaient. Et c'était devenu franchement agaçant de pas s'entendre jouer jamais. Et dans le fond, le groupe aurait pu rien faire pantoute sur scène, juste faire des babayes, puis les gens auraient trippé quand même. Ouais. Lancer des couvertes, peut-être, pour, ouais. pour habiller les autres gens de la foule comme des Ku Klux Klan. À place de lancer des brassières. Drôle, c'est ouais. Donc, la crise atteint son paroxysme alors que les Beatles arrivent aux Philippines où ils snobent une réception tenue en leur honneur par le dictateur local, ce qui fait pas plaisir, bien sûr, au chef d'État. Les Philippins sont également de fervents catholiques et les propos de John Lennon se sont rendus jusqu'à leurs oreilles. Donc, dans la violence, se déroule la tournée des Beatles aux Philippines. Ça va pas très, très bien. Et à la lumière de ces événements et après un concert agité au Candlestick Park de San Francisco le 29 août de 1966, que les Beatles décident de mettre fin à toute forme de concert devant public. On se demande même si les Beatles vont continuer à exister. George Harrison, entre autres, ne se considère plus comme un Beatles. Et les membres décident donc de prendre un congé bien mérité après 4 années de tournée pratiquement non-stop et enregistrement d'albums. Il faut dire que les gars étaient aussi très fatigués. Et John Lennon part tourner un film en Moyen-Orient et Paul McCartney va rencontrer Brian Wilson sur la côte ouest américaine où il découvre la scène psychédélique naissante et qui s'installe tranquillement dans les bars et dans les salles de la côte ouest. Cette scène musicale émergente inspire Paul pour un nouveau projet, un album psychédélique et un groupe imaginaire donc qui prendrait la place des Beatles, le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Le 9 novembre 1966, John Lennon se rend à une exposition à la galerie Indica de Londres et c'est lors de sa découverte de Unfinished Painting and Object qu'il rencontre l'artiste Yoko Ono, qui laisse sur lui une très très forte impression. Et à la fin des années de l'année 1966, donc quand même assez agité malgré qu'il y ait eu de tournée, les Beatles s'installent au studio d'EMI à Abbey Road, bien sûr, de façon quasi permanente. Le groupe et George Martin commencent également à expérimenter avec les différentes ressources du studio. Ils commencent à s'amuser avec les vitesses de ruban, la voix de John Lennon. Et cette expérimentation donne comme premier résultat 2 faces A qui sont lancées le 13 février 1967 sur un beau petit 45 tours. Les pièces Strawberry Fields Forever, signées John Lennon, et Penny Lane, signées Paul McCartney. A dream. I think I know. I mean. Yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever. Strawberry Fields Forever, les Beatles, la pièce qui a été lancée le 13 février 1967, présentée bien sûr dans le cadre de la chronique Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis, et on parle des Beatles, c'est la troisième partie. Et l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, justement sur les Beatles, que les Beatles ont travaillé pendant longtemps, est lancé le 1er juin 1967, après plus de 4 mois de travail en studio. Il regroupe les pièces Lucy in the Skies with Diamond, She's Leaving Home, A Day in a Life, Being for the Benefit of Mr. Kite, Fixing a Hole et l'excellente A Day in a Life, hein, que j'ai nommé deux fois, mais bon. Elle est tellement bonne. Oui, mais une pièce qui apparaît deux fois, c'est celle qu'on entend dans le moment, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui apparaît au début et à la fin de l'album. Et c'est ce qui était intéressant, en fait, c'est que c'est un des premiers albums qui est conscient d'en être un. Je sais pas si vous me suivez, c'est que ça a été créé pour être un album de A à Z, en étant un peu une sorte de concert, et les pièces se suivent une après l'autre d'une façon vraiment magistrale. Et c'est ce qui était vraiment la révolution. Et tous les groupes, à partir de là, veulent faire leur propre album concept. Les Who lancent Tommy, les Moody Blues lancent Days of Future Past, les Rolling Stones lancent At Their Satanic Majesty's Request, et Frank Zappa travaille sur l'excellent We're Only In It For The Money, qui avait une pochette très très semblable à Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Revigoré par le succès de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cet excellent album dont Jimi Hendrix avait repris la pièce-titre qu'on entend dans le moment en concert 3 jours après la sortie de l'album. Donc c'est vraiment là qu'ils ont réalisé que c'était quelque chose d'assez génial. Brian Epstein les avait invités à aller dans un bar pour prendre un verre pour célébrer la sortie de Sgt. Pepper's. Et c'était Jimi Hendrix qui jouait et il a ouvert le concert avec cette pièce-là. Donc c'est assez intéressant. Également, ils ont enregistré All You Need Is Love le 25 juin de la même année en Mondovision. En fait, c'est que ils ont été filmés pour une présentation en direct via satellite partout à travers le monde. Donc, chaque pays présentait un artiste en particulier ou tout simplement donc une performance, et l'Angleterre a décidé de choisir les Beatles, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et ils ont lancé, donc, ils ont fait en fait cette pièce All You Need Is Love le 25 juin. Et ensuite, ils décident de s'embarquer pour l'Indre pour aller méditer avec le Maharishi Mahesh Yogi. Par contre, ils doivent rapidement revenir en Angleterre à la suite de la mort de Brian Epstein, leur manager qui est des tout débuts, qui est décédé d'une surdose de barbiturique le 27 août 1967. John Lennon encaisse très mal la nouvelle et s'enfonce dans une consommation de LSD. Et c'est Paul, le réel bourreau de travail, qui élabore un projet, le prochain projet des Beatles, plutôt un premier sans manager, Magical Mystery Tour. Ce film largement psychédélique est tourné dans 100 scénarios et constitue en fait une série de clips vidéo du groupe sur un fond de tournée en autobus. On voit entre autres John Lennon qui sert du spaghetti à une femme avec un grand coup de pelle. Il arrive avec une... C'est-à-dire avec une brouette de spaghettis, il sert ça avec une pelle donc dans l'assiette de la madame. C'est de la boulette. C'est de la boulette. Le film est considéré comme le premier échec du groupe tourné en couleur pour y ajouter l'effet psychédélique. Il fut présenté en noir et blanc à la BBC le 25 décembre 1967. Le film renferme quand même quelques perles telles qu'I Am the Walrus, Your Mother Should Know et Hello Goodbye, lancés sur 2 45 tours. Alors, Fallen Manager, depuis près de 4 mois, les Beatles décident de se prendre en main et de prendre en main leur destinée en consolidant leurs avoirs dans une corporation qu'ils nomment Apple en janvier 1968. Ça dit quelque chose. Oui, ça dit quelque chose, mais c'est pas la même. Hein, si on parle d'une corporation, non pas d'une compagnie. C'est ça. Il y a une qui fonctionne mieux que l'autre. Peut-être bien. On va en parler justement de ça la semaine prochaine, du fonctionnement d'Apple. Mais bref, ils vont maintenant jouer aux hommes d'affaires et produire leurs propres disques ainsi que la musique de nouveaux artistes. Mais avant de se lancer dans la business sérieuse, les Beatles retournent en Inde de nouveau pour rejoindre le Maharishi, cette fois-ci avec leurs femmes et leurs amis tels que Donovan et Mike Love des Beach Boys. Et voilà, nous allons nous quitter cette semaine avec une pièce tirée de Magical Mystery Tour, une pièce originale en fait qu'on retrouve sur le film ainsi que sur la bande sonore The Fool on the Hill, composition de Paul McCartney. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. See the world spinning round. Oh. Et donc c'était la pièce de Fool on the Hill dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis où on parle des Beatles. Et la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode en fait sur les Beatles où on parlera des Beatles en blanc, des chicanes de Get Back et The Hand. Les chicanes. Il y en a eu de ça. Eh oui, des chicanes, des coups bas. Ça fait penser à ce que tu vas avoir un épisode sur la chicane bientôt par exemple. Ah, c'est sûr ça, on histoire va toucher à la chicane. Yeah. Et boum. Danny. J'adore ça. Merci Simon. Mais ça fait plaisir. Oui, merci d'avoir reçu. Toujours aussi convivial. C'est toujours un plaisir. Mais oui. Ta présence est appréciée. Ouais. Ben, merci. Après la pause de notre émission spéciale Phénomène Beatles, Simon Fitzbé nous raconte la fin du plus grand groupe rock que la planète ait connu. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est un guide de l'utilisateur d'assemblage requis, Phénomène Beatles. Simon Fitzbay. Messieurs, bon matin. Bon matin. Ça va? Oui, ça va bien, et vous? Oui. Très bien, merci. Pas trop de brûlures de congélation? Non, ça non, va. Non, à date, c'est pas si pire, mais j'imagine encore, mettons, 10 degrés en bas de ça, je me dis tabarouette, on est bien dans son lit. Achetez-vous les cagoules. Oui. Vous savez, avec le petit truc pour le nez, là. Cagoule, petit truc pour le nez? Oui, petit truc pour le nez, comme plus dur sur ta cagoule, ah, là, oui, pour oui, dire oui. que... Je sais pas, pour que le nez brise pas. Ou que t'as l'air d'une personne, sinon t'as juste l'air de pas avoir de face. Là. Ouais. Peut-être pour, tu sais, comme Monsieur Patate. C'est ça, exactement. Pour marquer le fait qu'il y a un nez. Pour dire qu'il y a un nez. C'est ça, pour dire que c'est comme Batman qui a des pectoraux sur son habit de plastique. Pour dire qu'il y a des pectoraux avec, c'est des, avec des nipples. C'est, c'est vrai, il y en avait qui avaient des nipples. Ouais, Batman 3 et 4, je pense, quelque chose du genre. C'est malade. Ouais. C'est génial. Il est beau. Ouais. La morale de ce début d'hiver, mettez pas votre langue n'importe où. C'est ça. Exactement. Apprenez de mes erreurs. Donc, Simon, c'est la dernière partie oui. des Beatles. Parce que c'est la fin des Beatles. C'est the end of the Beatles. The end of the Beatles. C'est pas mal triste. Ouais, c'est vraiment dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Toute bonne chose a une fin. Et voilà. Malheureusement. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Eh bien, lorsqu'on s'était laissé, en fait, la semaine dernière, les Beatles venaient de subir leur premier échec commercial sous la forme du film Magical Mystery Tour. Ils ont également pris en main leur destinée d'affaires dans leur compagnie nouvellement fondée, Apple Corporation. Mais avant de se lancer dans le monde sérieux de la business, les membres du groupe sont allés passer quelques temps en Inde avec leurs épouses et leurs amis. Hein, on se rappelle bien de la leçon. Donc, on continue avec ce matin. Leur retour de ce voyage en Inde. Bien que John et George voyageaient, voyaient plutôt leur passage par l'Inde comme dans une optique spirituelle, c'est-à-dire faire de la méditation et se rapprocher donc de la sérénité. Paul McCartney, pour sa part, il voit une nouvelle source d'inspiration pour de nouvelles chansons. Donc, il continue à composer malgré qu'il soit là. Et lui et John, qui s'étaient promis de pas écrire pendant leur voyage, ont composé une quantité phénoménale de nouvelles chansons. Et en tout, les Beatles vont écrire à peu près 40 nouvelles chansons en Inde. Et ça va être donc très, très productif. Par contre, l'Inde ne plaît pas du tout à Ringo et Paul. Le premier, Ringo, part 15 jours plus tard. Donc, il est arrivé et deux semaines après, ça ne tentait plus, il est reparti. Et Paul est parti un mois, donc 15 jours après Ringo, c'est-à-dire un mois après leur arrivée. Et John et George, eux autres, vont revenir à peu près trois mois plus tard. John a dit à la presse, en fait, que c'est les agissements libidineux du Maharishi Mahesh Yogi envers une jeune fille américaine qui l'incitait à retourner en Angleterre. Donc, il essayait trop de solidité, trop proche de la fille. Genre, c'est... Mm. Ouais. Avec un peu trop d'insistance. Un peu trop d'insistance, exactement. Et c'était quelqu'un, en plus, qui... avec moi. Ben, le Maharishi Mahesh Yogi, c'est quelqu'un de très, très respecté au niveau donc, de la méditation transcendantale. C'est vu comme un grand maître spirituel. Mais il aurait fait des avances donc à Mia Farrow, entre autres, une actrice américaine qui était là en même temps que les Beatles. Donc, John Lennon n'a pas vraiment aimé ça. Et pendant l'hiver 1968, donc pendant qu'ils étaient en Inde et à leur retour, John Lennon se rapproche de plus en plus de Yoko Ono. Il envoyait des lettres justement lorsqu'il était en Inde en train de méditer. Et il a passé trois mois de méditation à se questionner sur son attirance envers Yoko. Et lorsqu'il revient en Angleterre, il est amoureux de celle-ci et rompt son mariage avec Cynthia Lennon. Elle et son fils Julian vont perdre pratiquement tout contact avec John. Donc là, il était vraiment rendu dans sa petite bulle, son petit cocon avec Yoko. Et c'est avec une besace pleine de nouvelles chansons que les Beatles retournent en studio en mai 1968, au début des sessions d'enregistrement. John avertit ses compères qu'il compte bien garder Yoko auprès de lui tout au long des enregistrements, qu'il soit d'accord ou non. Donc, ça l'intéressait pas de savoir les opinions des gars. Yoko restait avec lui. Les sessions d'enregistrement donc sont tendues. Yoko agace beaucoup les musiciens, particulièrement Ringo, qui va quitter le groupe pendant ces sessions-là. Ah. En fait, il ne se sentait plus à sa place au sein du groupe. Et donc, il est allé voir John et Paul, un après l'autre, pour donc lui partager ses appréhensions par rapport à ça. Et les deux vont dire, mais je croyais que c'était moi qui faisais partie du groupe et que vous trois, vous étiez très, très soudés. Donc, dans le fond, on commence à avoir une certaine rupture au niveau... des Beatles. Et ils décident donc de partir en vacances pendant deux semaines avant de revenir deux semaines plus tard, donc pour retrouver des fleurs sur ses tambours. Et pendant son départ, c'est Paul qui a pris sa place à la batterie donc pendant deux semaines. Et ça explique également que plusieurs pièces de l'album ont été enregistrées soit en solo à la guitare acoustique comme en Inde ou bien en effectif très très réduit. Et ils jouaient pas beaucoup ensemble, donc c'était assez tendu. Et l'album blanc apparaît le 22 novembre 1968, donc au début de la semaine, il y a 42 ans, en tout cas. Et l'album double est à la fois féroce et intime et contient les succès Back in the USSR, Dear Prudence, Piggies, Helter Skelter, Revolution 9, While My Guitar Gently Weeps, Revolution 1, Julia, ainsi que l'excellent Blackbird que nous allons aller écouter dès maintenant. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. For this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. Tiré de l'album lancé Blackbird des Beatles, bien sûr, une pièce composée et jouée par Paul McCartney en solo. Il était seul, donc pour ce qui est de cet enregistrement-là. Et l'album, vous êtes bien sûr à Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Requis, où on parle des Beatles, le dernier épisode de cette série de quatre. Oui, on l'a pas dit au début de la chronique, mais c'est comme ça depuis le début du mois là, que tu parles des Beatles. C'est le mois de novembre des Beatles, de Beauvember. Beauvember. Genre, hein, on fait des on aime mots ça. De toute façon, c'est ouais. Avec le mois de novembre. Donc. Mais attends, November Beatles, ça fait très bien mieux. Oui, November Beatles, oh, ça avait raison. Donc c'était le November Beatles ce mois-ci. Mm-hmm. Hein? Donc, c'était intéressant, j'espère. Et on était rendu, en fait, à l'album blanc qui venait de paraître le 22 novembre 1968. Et l'album blanc connaît un énorme succès au niveau critique ainsi qu'auprès du public. L'album est salué comme un des plus gros accomplissements du groupe et recèle certaines des plus belles pièces composées par les Beatles. Malgré les tensions et la mort de Brian Epstein, le groupe présente une maturité surprenante ainsi qu'une imagination sans bornes. Et le 2 janvier 1969, puisque ça s'arrête pas là, les Beatles se retrouvent autour d'un nouveau projet nommé Get Back, mis sur la table par Paul McCartney. Cet album se voulait comme une réponse à deux préoccupations qui régnaient chez John et Paul. John voulait créer un album live, où un groupe enregistre en fait tout ensemble, sans correction du studio, sans jouer avec les enregistrements, alors que Paul, lui, voulait faire des concerts devant public. Il voulait retrouver un peu cette ambiance-là que les Beatles avaient perdue depuis 1966. Ce qui lui manquait amèrement. Et donc, il troque le studio d'enregistrement pour un studio de cinéma à Twickerman afin de filmer leurs pratiques et exercices de composition, mais également pour se sauver en fait d'un dernier contrat de film qu'ils avaient. Lorsqu'ils avaient signé pour leur film, ils en avaient signé quatre. Donc, Hard Day's Night, Help, Magical Mystery Tour, et il restait donc un film à tourner. Ils ont dit « on va tourner nos répétitions ». Et ce qui devait être un film plaisant, nous informant sur la vie de la création des Beatles, ça devient un documentaire sur la rupture de plus en plus imminente du groupe. Donc ça va pas bien. Et malheureusement, les tensions initiées pendant l'enregistrement de l'album blanc reviennent encore plus fortes. Le groupe doit se présenter tôt le matin, donc à 8 heures, c'est très tôt. Hein. On ben va oui. en juger, vous êtes les mieux, les meilleurs pour en juger là-dessus. Mais 8 heures, c'est pas si pire. 8 heures, c'est pas si pire. Non, c'est vrai, vous autres, c'est quand même un peu plus tôt. Mais pour des musiciens rock, oh non, c'est se présenter à 8 heures le matin et être productif à 8 heures. Midi, c'est tôt aussi pour eux autres. Oui, non, c'est ça, exactement. Et c'était déjà un des premiers problèmes de ces sessions d'enregistrement-là. Et c'était une ambiance beaucoup plus froide que dans les studios d'Abbey Road. C'était des grands studios de cinéma où on avait installé des jeux de lumière. En tout cas, je vous épargne les détails. C'était vraiment pas beau. Et en plus, George Martin refuse d'enregistrer un album live. George Harrison s'électrocute sur un pied de micro. Paul, ouais, wow. À un moment donné, il avait comme tu sais son micro puis il se met à shaker. Là. C'est filmé. Wow. En plus, on le retrouve dans le film Let It Be, justement. George Harrison s'électrocute. Paul n'arrête pas de la ramener avec un concert que les autres membres ne veulent pas faire. Et Yoko est toujours dans les parages. Et pour ajouter en plus, George Martin, producteur des Beatles depuis le début, refuse d'enregistrer un album live sans correction studio parce que lui, c'est un artiste du studio. Mm-hmm. Donc, il voulait travailler sa façon traditionnelle. Et donc, John est de moins en moins présent en plus autour des Beatles et George est foncièrement déçu d'être encore limité à deux contributions sur l'album pendant l'enregistrement, entre autres, de sa pièce « I Me Mine ». John danse une valse avec Yoko, ce qui choque beaucoup George. Et il va en venir au point avec John Lennon. Ouais, wow, pas beaucoup de tension, hein? Non, mais c'est ça, mais dans le film, t'es vois juste s'engueuler et George s'en va, mais à ce qui paraît, ils se sont battus. Il revient solide. Il voulait pas trop nuire à leur image en mettant ça dans le film. Exactement, ouais. Exactement. Ça serait le fun des fois qu'ils sortent les Director's Cut. Oui! Parce qu'il y a eu plein de scènes. Oh, ouais. Ça va sortir, ça? Ben, on espère à un moment donné, mais le film, Let It Be, même pas sur DVD encore. Ah! Pour vrai. Il a été sur DVD, il a été enlevé. En tout cas, c'est comme les classiques de Disney qui retournent dans la voûte. Après exactement. Ben, si on veut, dans un certain sens, c'est ça. Et c'est vraiment dommage. Ouais. George a quitté le groupe pendant officiellement 12 jours. Donc, il est revenu par la suite. Je m'en vais. Oui, non, il était vraiment fâché. Il voulait plus jouer, il voulait plus être membre des Beatles. Il était vraiment écœuré et il est parti. Donc, ça a été le deuxième à partir après Ringo. Mais lui aussi est revenu. Et le groupe donc décide de s'installer dans leur propre studio du Savile Row en délaissant le cinéma pour terminer l'album. Et comme Paul ne voulait pas lâcher le morceau à propos de son fameux concert, le groupe en vient à un compromis. Ils montent sur le toit du 3 Savile Row plutôt avec leurs instruments le 30 janvier afin d'y produire un concert pour les voisins et les gens de la rue. Et cette prestation historique est malheureusement la dernière de la formation. On va l'entendre justement une pièce qui a été jouée pendant cette performance. JoJo, yeah. Back to where you once belonged. Get Back. Et donc, les Beatles sur le toit du Tree Savile Row, hein, la maison d'Apple, bref. Et c'était une des nombreuses versions de Get Back qui a été enregistrée cette journée-là. En fait, le concert a duré 42 minutes. Les policiers sont arrivés pour arrêter le tout parce que bon, ça dérangeait la paix publique. Les gens se ramassaient devant l'édifice. Oui. Les gens montaient sur le toit pour voir les Beatles. C'était assez impressionnant et on dit que Paul était très, très, très nerveux rendu à cet enregistrement-là de Get Back parce que les policiers étaient sur le bord de la porte. Il s'est arrangé, en fait, avec le groupe pour qu'il y ait à peu près deux pièces de jouer et après ça, on s'en va. Mais bref, ça se retrouve aussi dans le film Let It Be qui a paru en 1971. Si vous êtes un fan des Beatles, vous serez peut-être capable de le retrouver dans les fins fonds de l'Internet. Malheureusement, comme je disais, il est pas encore en DVD. Ça devrait paraître éventuellement. En tout cas, on se croise les doigts. Tous les autres films des Beatles sont disponibles en DVD. Ouais. Ben, tu crées de l'attente et puis de l'espoir. Ouais. Et puis à un moment donné, tu vas faire de l'argent. C'était pas un bon film. Les gens, en fait, se sont intéressés à Let It Be parce que c'était les Beatles, mais c'était pas un très, très bon film. Comme on dit, justement, c'est un peu une chronique de la fin du groupe. Et, eux-mêmes, ouais, c'est ça, exactement. Eux-mêmes voulaient pas nécessairement que ça paraisse de cette façon-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on pousse pas la sortie. Peut-être. Et donc, malgré toutes ces heures de travail hein, qu'on a fait dans le studio de cinéma et de Savile Row, le groupe reste largement insatisfait. Et c'est d'abord l'ingénieur Glyn Johns qui est engagé afin de mixer plutôt le futur album en mars 1969. Il arrive malheureusement pas à satisfaire les exigences du groupe. Les enregistrements retournent sur les tablettes jusqu'à ce qu'Alan Klein, maintenant gérant des Beatles, on avait parlé ça dans le cadre de Paul is Dead l'année passée. Alan Klein, le méchant gérant des Beatles. Ouais, dans le top des pires. Des pires gérants. Donc, on rembarque pas là-dedans. C'est trop long à expliquer. Mais bref, il remet les bandes à Phil Spector pour une nouvelle tentative de mixage. Et l'album qui se voulait direct est tout d'un coup dénaturé. Ce sont les pièces de Paul qui en souffrent le plus. Donc, on rajoute violoncelle, violon, cœur féminin. On rajoute plein de trucs qui n'étaient pas là à la base. Et Paul McCartney en a été très, très frustré. Entre autres, et ça va finalement paraître sous le nom de Let It Be en avril 1970, à quelques semaines de la rupture officielle du groupe. En fait, quelques semaines après la rupture officielle. Mais ça, on va revenir. Donc, suite aux mauvaises vibrations des enregistrements de Get Back, Paul refuse que le groupe se laisse avec de si grandes tensions. Il contacte donc George Martin pour créer un album comme dans le temps. Et il réussit à convaincre les autres membres du Fab Four également à revenir en studio pour enregistrer ce qui sera le dernier opus de la formation Abbey Road. Paul avait bien sûr comme but de rapprocher le groupe pour éviter la rupture en fait. Il voulait que ça revienne comme dans le temps et être heureux, tout le monde est content, mais les Beatles commençaient à être un peu... Je dirais pas tanné, mais ils avaient pris la maturité, ils avaient pris l'indépendance aussi. La gloire aussi. Oui, à un moment donné, c'est sûr que c'était resté tout le temps dans le même pattern, le même genre. Tu t'envoles de tes propres... Tu veux voler tes propres ailes et faire tes propres trucs. Mais c'est avec quelques nouvelles compositions, mais aussi, surtout le reste des compositions de l'Inde et de Get Back, que les Beatles entrent en studio pour réaliser cet album. Des pièces évoquent les troubles du moment, tels que Maxwell Silverhammer, You Never Give Me Your Money et Carry That Weight, ainsi qu'on pourrait dire Oh Darling, qui sont toutes des compositions de Paul. Mais on retrouve également un George Harrison qui a pris de l'assurance et qui nous livre les deux meilleures pièces de sa carrière avec les Beatles, Something et Here Comes the Sun. Et le 20 août 1969, les Beatles complètent l'enregistrement du disque avec la dernière pièce I Want You, She's So Heavy. Et c'était la dernière fois que les quatre étaient en studio. Mais pour le moment, voici Here Comes the Sun tiré d'Abbey Road. Here comes the sun, here comes the sun, I say, it's alright. Here Comes the Sun des Beatles, tiré d'Abbey Road, bien sûr, dans le dernier album de la formation. Bien sûr, vous avez entendu ça dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Rocky, et on vous parle des Beatles, November Beatles, qui se termine malheureusement. C'est douteux. Ben, November Beatles. C'est correct, pour les gens qui nous suivent. Là. C'est ça, oh, ben oui. C'est amical. C'est amical, c'est friendly. C'est, comment ils disent ça pour le vin, c'est... Pastille de goût. Non, c'est pas pastille de goût, mais c'est honnête. C'est honnête. Ah oui. Ouais. C'est une façon de dire que ton vin, il est cheap, mais c'est pas si peu. Il se prend pas pour un autre, il s'assume dans sa cheapitude. Ouais, exactement, c'est ça, exact. Donc, Abbey Road paraît le 26 septembre 1969 et devait représenter le dernier effort des Beatles ensemble. Ils ne joueront plus en groupe, puisque, comme j'ai dit, le dernier enregistrement à quatre, c'était le 20 août 1969. Ils vont en fait se retrouver dans une session en janvier 1970 pour la pièce I Me Mine, toujours de George Harrison, du temps de Get Back. Mais c'est souligné par l'absence de John, qui vraiment, lui, avait quitté le groupe, il n'a plus rien savoir en fait des Beatles. Il était très, très tanné. Et au début de 1970, donc, Paul est vraiment déçu des achèvements d'affaires d'Alan Klein, qui, entre autres, a réduit la taille d'Apple, a fait une sale job pour Led Zeppelin. Et en plus, les deux hommes ne se sont jamais aimés. Paul favorisait son beau-père, l'avocat Lee Eastman, pour diriger les affaires des Beatles, et les trois autres, eux, étaient favorables à Alan Klein. Paul est en dépression alors que George se déchire entre la méditation et la préparation de son premier album solo. John Lennon fait des campagnes de paix avec Yoko et Ringo joue dans les films. Ah ouais? Oui. Ah. Aussitôt que les Beatles sont terminés, il a commencé à jouer dans quelques films. Et entre autres, il a rencontré, je pense, sa femme sur un plateau de cinéma. Et une petite carrière dans les années 70, Ringo. Assez intéressant. Il y a un nom d'acteur porno, juste. Oui, en plus, ben oui. Et donc, les Beatles ne se ressemblent plus du tout, hein, vous en conviendrez. Ils sont plus ensemble, ne font plus musique, font des trucs complètement différents. Et Paul McCartney, lui, se retrouve seul dans sa maison et débute l'enregistrement d'un premier album solo qu'il réalise complètement seul, à l'aide de personne, avec des pièces inédites des Beatles, en fait des compositions qui avaient été soit rejetées ou qui avaient été mises de côté, et des compositions du moment. Il décide de se battre même contre les Beatles en prévoyant sortir son album la même semaine que Let It Be, puisque bien sûr, il était très, très déçu de cet album-là. Après s'être littéralement battu avec Ringo, les membres des Beatles avaient envoyé Ringo pour un peu demander à Paul de retarder son album. Fier à bras. Oui, ben, c'est ça. Ben, en fait, c'était plus de l'optique de négociant de paix, parce que Ringo était quelqu'un de très, très peace and love. Et finalement, Paul a frappé Ringo dans le visage, ou dans l'estomac, en tout cas. La place importe peu, mais bref, finalement... Il l'a frappé. Et Ringo est revenu aux autres Beatles en disant « Ouais, je pense qu'on va retarder notre album. » Finalement, il veut rien savoir. Et c'est ce qui est arrivé. Le LB a été reculé de 2 ou 3 semaines. Et McCartney, donc, paraît à la date prévue. Et dans un communiqué de presse inséré dans la pochette de McCartney, Paul annonce la rupture définitive des Beatles. C'est un secret bien gardé par les autres membres du groupe pour éviter les problèmes financiers, mais Paul, amer et frustré, décide de déballer son sac. L'année suivante, il obtient la rupture officielle du partenariat d'affaires des Beatles, ce qui représente réellement la fin du plus grand groupe que la planète ait connu, les Beatles. Et on se laisse avec The End. And in the end, the love you take is equal to the love. Les Beatles avec The End, donc toute dernière pièce d'Abbey Road qui marque vraiment la fin. Et eux aussi savaient, veux, veux pas, que c'était la dernière fois qu'ils lançaient un album, malgré que Let It Be est paru après. Mais c'est eux voulaient pas, en fait, que Let It Be paraisse, puisqu'ils jugeaient que c'était pas nécessairement des bonnes pièces, entre autres Get Back, Don't Let Me Down, Let It Be, bien sûr, et The Long and Winding Road, qui a été des succès, mais... le groupe voulait pas que ça paraisse. C'était des mauvaises sessions d'enregistrement. Il était pas satisfait. Et finalement, Phil Spector un peu... je pourrais pas dire saloper l'album parce qu'il reste quand même bon dans un contexte historique, mais je vous conseille plus, si vous êtes un fan des Beatles, et d'écouter Let It Be Naked, qui est la version en fait que Paul McCartney a remasterisée sans les enregistrements ou les ajouts de Phil Spector. Et il l'a enregistré nu en plus. Ouais, ben il l'a enregistré dans le temps avec okay. les autres. Ouais. Ok. Nu? Je sais pas s'il était nu. Non. Je pense pas. Moi, c'est ça que je veux savoir. Là. C'est... Non, je pense okay. que non. Bon. En fait, c'est nu de tous les arrangements qui ont été faits. Ah, ben oui. Ouais. D'accord, je comprends maintenant. Merci. Donc, Simon Fitzbé avec ta série sur les Beatles. Là, c'est terminé, c'est pour, les terminé pour les Beatles. Mais il y a toujours des références aux Beatles dans tes autres chroniques de toute façon, parce que des fois, les inspirations et les influences... Ben, quand c'est le plus grand groupe de l'histoire de la musique, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'influences hein, qui est créée. Merci beaucoup, Simon, encore. Ben, merci à vous. Merci. C'est ce qui termine ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis Phénomène Beatles. On remercie évidemment Simon Fitzbé pour sa participation à la chronique Phénomène diffusée toutes les semaines dans Assemblage requis. Merci aussi à François-Olivier Marchand qui co-anime l'émission avec moi du lundi au jeudi de 7h à 9h. Je vous rappelle que l'émission prend congé pendant les fêtes et nous serons de retour en direct le lundi 10 janvier 2011. Mais d'ici là, nous en profitons pour vous faire entendre ou réentendre quelques-uns de nos moments préférés dans 4 émissions spéciales. Surveillez l'horaire de nos autres émissions spéciales sur nos entrevues préférées parties 1 et 2, ainsi qu'un spécial Kiwan et Mathieu sur assemblagerequis.com. Vous y trouverez aussi les textes et chroniques de Simon, ainsi que toutes nos émissions en balado-diffusion. Merci d'avoir été à l'écoute de ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. Bonne journée et à bientôt!